For me, yeah. Take it to the ground, pick it up for me. Look back at it all, I'm for me. Oh, yeah. Put it right like my time, she. She ride it like a 63. I'ma buy a new Celine. Let her ride in the foreign with me. Ooh, she the bae, I'm her boo. And she down to break the rules. Ride it down, she gon' go. I'm gon' choose, she finesse. I fight for, she take that. Put in overtime. Le son des Fifth Harmony avec Work From Home sur Skyrock, il est pratiquement 6h du matin. It's the morning. The morning. Morning. The morning. Le morning rap et R&B. Wake up. 6h-9h sur Skyrock. Eh oui, c'est parti, le morning rap et R&B. On va attaquer la journée avec vous sur Skyrock. On est super content d'être là. D'ailleurs, on ce mardi matin, on est le 9 août. On va passer la matinée avec plein de sons. Il y a la roulette aussi qui va tourner tout à l'heure avec le Whoop à l'intérieur pour vous. D'ailleurs, si vous voulez faire tourner la roulette, c'est très simple, hein. Dès 6h du matin, il y a moyen de s'inscrire. Vous envoyez le mot roulette au 72020, un petit texto. Il y a Jules qui est là pour les infos. Salut Jules. Salut Stéphane, salut à tous. Bon, on est parti pour les infos, pour l'actu. On va se faire un petit point sur la météo et sur j'ai pas mis la petite musique de ton flash info, Jules. Tu m'en veux? Non, j'en t'en veux pas. Écoute, je vais le caler en direct alors. Bah oui, je sais que tu gères, tu vois. J'ai confiance en toi. Ouais, bah tu devrais pas parce que là, déjà, je me sens déjà en galère, tu vois. Attends, c'est quoi la petite musique? Elle est où? Bon, vas-y, je te mets une petite musique info. Vas-y, pas de soucis. Je mettrai la bonne après. Bon, on est parti pour l'info, donc l'actu à 6h du mat. Ouais, c'est le début de journée pour nous aussi. Hein. Et donc un temps mitigé ce matin, du soleil sur le nord-ouest et le sud-est. Pour le reste, c'est de la pluie et de la grisaille. Cet après-midi, le soleil reste majoritaire, mais il y a toujours ces nuages gris, hein, qui se déplacent sur le sud-ouest et l'est du pays avec des averses. Les températures ce matin vont de 15 à 29 degrés, 15 à Mulhouse, 16 à Caen, 18 à Lille, Nantes et Paris, 21 à Biarritz et 26 à Nice. Cet après-midi, elles vont de 16 à 30 degrés, 19 à Brest, 21 à Lyon et Nancy, 23 à Bordeaux, 24 à Toulouse et 28 à Marseille. La pollution, c'est bien aujourd'hui, des indices entre 3 et 5, 3 à Grenoble, 4 au Mans et 5 à Montpellier. On va attaquer le morning rap R&B avec Beyoncé, avec Black M et puis Designer Panda sur Skyrock. Ils étaient simplement plus forts que moi, la déclaration de Camille Lacour après sa 5e place en finale du 100 mètres d'eau aux Jeux Olympiques de Rio. Il avait terminé 4e en 2012, pas de regret et fier de son parcours, mais pas de 2e médaille pour les nageurs français. Après 3 jours de compétition, une seule médaille pour la délégation française. Elle est en argent, elle a été remportée hier par le relais 4x100 mètres nage libre. Hier, la France a encore connu une désillusion en judo chez les moins de 57 kilos. Autan Pavia a été battu en quart de finale puis au repêchage. Autre résultat manqué en escrime, Manon Brunet termine 4e. Très mauvaise journée en tennis aussi. Caroline Garcia, Kristina Mladenovic, Alizé Cornet et Joe Wilfried Tsonga sont éliminés. Prête à commettre un attentat en France, une adolescente de 16 ans a été interpellée la semaine dernière dans le cadre d'une opération antiterroriste à Melun. Elle a été mise en examen et écrouée. Elle est présentée comme très radicalisée. Elle aurait exprimé son intention de passer à l'acte sur la messagerie Telegram. Le gouvernement promet d'agir contre la surpopulation carcérale. Le Premier ministre et le garde des Sceaux était hier à la maison d'arrêt de Nîmes où le taux d'occupation est de plus de 200%. Un plan pour créer de nouvelles places de prison devrait être proposé à la rentrée. Les policiers policiers municipaux veulent les armes sollicitées dans le cadre de l'état d'urgence. Ils réclament un armement généralisé pour assurer leur mission. Aujourd'hui, moins de la moitié des policiers municipaux seraient armés. On termine avec du sport. Manchester United officialise la venue de Paul Pogba. Contrat de 5 ans plus une en option. Le montant du transfert est de 105 millions d'euros plus 5 de bonus, ce qui fait de Pogba le joueur le plus cher de l'histoire du foot. Le PSG, le meilleur club pour moi. Les premiers mots de la nouvelle recrue du PSG, Jesse Rodriguez. L'ancien attaquant du Real Madrid a été présenté hier dans l'amphithéâtre du Parc des Princes. L'Espagnol s'est engagé pour 5 ans dans le club de la capitale. Ok, bah merci pour cette actu. Tu reviens tout à l'heure à 6h30, Jules. Ouais, à tout à l'heure. Ok, vas-y, à tout à l'heure, Jules. Nous, on est là, on va passer la matinée avec vous sur Skyrock. On est très content d'être là. Franchement, on est en pleine forme, même s'il y a eu un petit démarrage un petit peu chelou. Il nous manquait les sons là pour faire le flash de Jules, mais il a réussi malgré tout. Bon, allez, c'est parti, nous. On va passer la matinée avec vous. Tiens, dédicace à vous tous qui êtes déjà debout là, qui allez bosser peut-être aujourd'hui, en ce mardi matin. Ben, nous, on est là avec vous sur Skyrock. On vient passer la matinée avec du son à écouter, avec la roulette qui va tourner aussi sur Skyrock. Et puis, on va attaquer directement avec du son ce matin. On va se mettre bien avec Beyoncé, avec Black M, et puis le son de Designer sur Skyrock à 6h03. T'écoutes la première radio urbaine mondiale. Skyrock. Non-stop. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards in the scammers, hitting no licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the hands. Legacies, family, wait and see, family. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out to for granted. Then the bullet, you ban it. Killers understand me. I got broads in Atlanta, twisted to lean the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacy, family, why is it look like a panda? Going out like a Montana, honey killers on the hammers. Legacy, family, why is it panda? Packers full, Danny, selling ball, candy. Man had the macho like Randy, the chopper go out to for granted. Then they pull up your band, hope the killers understand me. Hey! Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. I get broads in Atlanta, twisted up lean and shoot, sipping Fanta. Credit cards in the scammers, wake up beside you, let designer, over to lattice shoot. They be acting rats, I know we clap at you. I be pulling us up in the finest shoe. I got plenty of stuff with Bugatti, but look how I tried to shoot. Black and six, Fanta, why is he killing no comma? Pop a perk, I got signed a gorilla, they come and kill you with bananas. For feelings, I feel it, pull up in the Fanta. No niggas, they come and kill you on the comment. But Broly is dancing bigger than the panic. Go out to the Grammy, but pull it, you're finding. Pull up, I'ma flip it. I got bills, pull up and get it. I got niggas, just count for digits. Say you make you a lot of money. No killers pull off in the end of baby. CTDD pull off in the killer baby. Cola fill it, fill up, gon' fill it, baby. Lips up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broads, yeah, I get it. I got cards, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spinning the Bobby be trending. Chop the dawn, doing business. In the brave, doing the fool, and I'm doing the feeling. I be getting to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas be bleeding. Panda. Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, just to throw in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the band. Legacies, family, way and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the helmets. Legacies, family, way and see, panda. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out to for Grammy. Then they pull up your band. Killers understand me. I got broads in Atlanta, twisted to lean the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, why is it look like a panda? Going out like a Montana, honey killers on the hands. Legacies, family, why is it panda? Packers full, Danny, selling ball, candy. May not the macho like Randy, the chopper go out to for Grammy. Then they could pull up your band. Hope the killers understand me. Panda, panda, panda, panda. Jamais Skyrock t'a offert autant de musique dès le matin. Le morning. Rap et R&B. 6h-9h sur Skyrock. Tout le monde me regarde. À travers mon innocence, je pense qu'il me charme. Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi. Mais mon papa, lui, pourtant, se met fidèle. Est-elle fidèle? La France est belle, est belle. Mais elle me regarde haut comme la tour Eiffel, Eiffel. Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les aides, les aides. J'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle. Je sais qu'elle m'aime, je suis français. C'est pas que l'amour pouvait être un combat. À la base, je voulais juste lui rendre un hommage. Je suis tiraillé comme mon grand-père, ils le savent, c'est dommage. Jolie Marianne, Marianne. Je préfère ne rien voir comme Amadou et Mariam. Je t'invite à manger un bon mafet chez ma tata. Je sais qu'un jour tu me déclareras ta flamme. Aïe aïe aïe, je suis français. Chez moi, je suis chez moi, chez moi, chez moi, chez moi, je suis chez moi, chez moi, chez moi, je suis chez moi, chez moi, chez moi, je suis français, chez moi, chez moi. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée, chez moi, chez moi. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français, chez moi, chez moi. Laisse-moi juste l'inviter à danser, chez moi, je vais l'ambiancer, je suis français. Je suis jaune, je suis blanc, je suis un être humain comme toi. Je suis chez moi, fier d'être français d'origine guinéenne. Fier d'être le fils de Monsieur Diallo. Éternellement insatisfait. À suivre. Du rap et du R&B. Skyrock, Skyrock. Pas de musique non-stop. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh love, they don't love you like I love you. Oh down, they don't love you like I love you. Something don't feel right, because it ain't right. Especially coming up after midnight. I smell your secret, and I'm not too perfect to ever feel this worthless. How did it come down to this? Scrolling through your call list. I don't wanna lose my pride, but I'ma fuck me up a bitch. Know that I kept it sexy, and know I kept it fun. It's something that I'm missing, maybe my head for one. What's worst, looking jealous or crazy? Jealous or crazy? Or like being walked all over lately? Walked all over lately, I'd rather be crazy. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you. slow down, they don't love you like I love you. Let's imagine for a moment that you never made a name for yourself, a master wealth, they had you labeled as a king. Never made it out the cage, still out there moving in them streets. Never had the baddest woman in the game up in your sheets. Would they be down to ride now? They used to hide from you, lie to you, but y'all know we were made for each other. So I find you and hold you down. Missing, say, hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. It's such a shame you let this good love go to waste. I always keep the top tier, 5-star, sexy loving in the car, like make that wood, holly like a boulevard. What's worse, looking jealous or crazy, jealous and crazy? Or like being walked all over lately, walked all over lately. I'd rather be crazy. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh, love, they don't love you like I love you. Hold on, they don't love you like I love you. I hop up my bed and get my swag on. I look in the mirror and say, what's up? What's up, what's up, what's up? I hop up my bed and get my swag on. I look in the mirror and say, what's up? What's up, what's up, what's up? Le Morning Rap R&B. R&B. 6h-9h sur Skyrock. Je ne t'ai pas donné tout mon amour. Je ne t'ai pas fait mon plus beau discours. J'ai encore envie de te faire la cour. Tu me verras sous un autre jour. Je suis devenu mon propre fantôme. Face à moi-même, je pleure comme un mort. Je me sens délaissé. Pas, beauté ne t'en va pas. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Ma beauté ne me laisse pas. Ma beauté ne me laisse pas. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Une délivrance, oui, toi et moi, c'est une évidence. Je sais, ce n'est pas gagné d'avance, mais rien ne m'effraie plus que ton absence. À présent, tu peux compter sur moi. Tu ne m'en voudras pas une seconde fois. Je t'offrirai la lune à l'ombre de ma plume. Ma beauté, repose-toi, ma beauté, repose-toi. J'ai les épaules pour ça, j'ai les épaules pour ça. Ma beauté, repose-toi, j'ai les épaules pour ça. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché. Maintenant tu m'abandonnes, j'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Je l'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Je mérité dans les rues, je vagabonde. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. T'as tout gâché. Dans la rue, elle t'abandonne.

de l'info aujourd'hui. On va attaquer directement avec un petit point sur la météo et sur les indices de pollution aussi pour aujourd'hui mardi. Ouais, bah c'est moyen ce matin, hein. On a du soleil sur le nord-ouest et le sud-est, mais on a une forte précipitation sur le reste du pays. Cet après-midi, elle va peu à peu disparaître. Le soleil reste, lui, majoritaire, mais on a quand même toujours cette grisaille qui se déplace sur le sud-ouest et l'est du pays avec quelques averses. Les températures ce matin vont de 15 à 29 degrés, 15 à Strasbourg, 16 à Lorient, 18 à Lille, Nantes et Paris, 21 à Bordeaux et 26 à Cannes. Cet après-midi, elles vont de 16 à 30 degrés, 19 à Brest, 21 à Lyon et Metz, 23 à Agen et Bayonne, 24 à Toulouse et 28 à Marseille. La pollution, c'est bien aujourd'hui, des indices entre 3 et 5, 3 à Rouen, 4 à Rennes et 5 à Clermont-Ferrand. Il y a du son à s'écouter ce matin avec Alonso, avec les Black Eyed Peas, Jul aussi, juste après l'actu de Jul. De Jul. De Jul. J'étais sûr que j'arriverais pas à la faire. T'inquiète. Et bah, Camille Lacour, 5e du 100 mètres d'eau, 4 ans après sa 4e place à Londres. C'est l'américain Ryan Murphy qui remporte la médaille d'or. Toujours pas de 2e médaille pour la France dans ses JO. Après 3 jours de compétition, une seule médaille pour les Bleus. Mais une bonne nouvelle, les Bleus en basket ont réagi après la défaite en match d'ouverture contre l'Australie. Une réaction était attendue. Et bah, c'est fait. Victoire 88-60 des coéquipiers de Tony Parker face à la Chine. Le programme du jour avec des chances de médaille, peut-être de l'escrime à 15h avec Gauthier Grumier, du judo à la même heure chez les moins de 63 kilos avec la française Clarisse Agbenienou. Ça devrait le faire si tout se passe bien. Elle a été médaillée lors des 3 derniers championnats du monde. Chez les hommes en moins de 81 kilos, Loïc Pietri vise le titre. Autre chance de médaille en canoë-kayak avec Denis Gargaud pour succéder, pourquoi pas, à Tony Estanguet. Une jeune fille de 16 ans mise en examen et écrouée, elle était prête à commettre un attentat en France. L'adolescente a été interpellée la semaine dernière dans le cadre d'une opération anti-terroriste à Melun. Elle est présentée comme très radicalisée. Elle aurait exprimé son intention de passer à l'acte sur la messagerie cryptée Telegram. 3920 euros par minute, c'est possible, mais seulement si vous êtes les créateurs de Pokémon Go, cette appli qui vous permet de chasser les Pokémon en réalité augmentée. Le jeu créé par Niantic et Nintendo a déjà récolté 200 millions de dollars de revenus, des gains 7 fois supérieurs à ceux générés par Candy Crush. On termine avec du sport. Blaise Matuidi à la Juventus pour 30 millions d'euros, c'est ce que rapportent les médias italiens. Ils parlent même d'un accord entre les deux clubs. Le joueur se serait mis lui aussi d'accord avec les Turinois sur les termes d'un contrat. Pas de confirmation encore ni du côté italien ni du côté français. Ok, Jules, tu reviens tout à l'heure à partir de 7h. J'ai du mal, il y a Jules qu'on écoute maintenant. Ouais, j'ai du mal à faire la liaison des deux, quoi. Et bah, c'est pour ça, il y a le côté Jules de Jules, Jules Marseillais. Et ouais, c'est ça, exactement. Il y a Jules des infos et Jules le rappeur maintenant qu'on écoute. Vas-y, à tout à l'heure, 7h du mat. Il y a l'horoscope de l'amour là qui arrive, il y a la roulette aussi de prévu, Alonso, les Black Eyed Peas et Jules maintenant avec Mon Bijou sur Skyrock. Oh, dis-moi tout, y a des bruits qui courent, y a des têtes qui tournent, faut que je te dise tout, il est magique ton boule, viens on va faire un tour, avant que je perde le nord, oh mon bijou, oui, viens faire un bisou, je sers, tu m'as quoi tu joues, voilà, tu vas me rendre fou, je veux qu'on se lâche plus quand tu me sers dans tes bras, je veux présente dans les hauts et les bas, j'y crois, t'es mon bijou. Je veux mon bisou. Non, mon bisou. Oh, oh. Non, mon bisou. Oh, oh. Je te veux inviter à moi. Tu peux me laisser, t'as le choix. Je suis content, ça se voit. Quand j'entends ta voix, je t'aime bien habillé ou en pyjama. Coiffé ou avec les pinces. Des fois, tu sais pas où t'as mal. Suffit d'un sourire pour faire une étincelle. Y'a ce gros boule dans la cuisine. Je suis sous résine, j'hallucine. Tous les jours mes yeux te dessinent. J'pense à toi quand j'suis dans ma piscine. T'as ce gros boule dans la cuisine. J'suis sous résine, j'hallucine. Tous les jours mes yeux te dessinent. J'pense à toi quand j'suis dans ma piscine. T'es mon bijou. J'suis fou de toi, je veux mon bisou. Dans mon bijou. Oh, oh. Dans mon bijou. Oh, oh. T'es mon bijou. J'suis fou de toi, je veux mon bisou. Dans mon bisou, oh, oh. Dans mon bisou, oh, oh. T'es mon bisou, mon bisou. J'suis fou de toi, je veux mon bisou, mon bisou. Dans mon bisou, oh, oh. Bisou, oh, oh. Dans mon bisou, oh, oh. Bisou, oh, oh. T'es mon bisou. Je veux mon bisou. Jamais Skyrock t'a offert autant de musique dès le matin. Le morning rap et R&B. 6h-9h sur Skyrock. Let's get it started in here. And the bass keeps running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and in this context, there's no disrespect. So when I bust my rhyme, you break your necks. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. The inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's pulling me out. You wouldn't believe how we wow shit out. We burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from Northwest East Side. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoned, come on, get it started, come on, get it started, get it started. Control a body and soul. Don't move too fast, people just take it slow. Don't get ahead, just jump into it. Y'all hear about it, the P's will do it. Get started, get stupid. Don't worry about it, people will walk you through it. Step by step like an infant new kid. Inch by inch with a new solution. Transmit hits with no delusion. The feeling's irresistible and that's how we moving. Yo, everybody, everybody, let's get into it. Get stupid, get started, get started. Time, y'all can't stand still, twist and bang your spine. Just bob your head like me, Apple D, up inside your club or in your Bentley. Get messy, loud and sick, your mind fast, no more on another head trip. So come down now, do not correct it. Let's get ignorant, let's get hectic. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoked, come on, get started, come on, get started, get started. Skyrock, Skyrock. Number one radio station. Skyrock. Binda dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, traîne de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. Tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Et quand elle déboule sur la piste de danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, sous bout. On a perdu la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. va dans sa douche. Elle voit que le côté finance, un euro tu n'as pas, elle trace sa route. Le smic est resté assez minable, elle cherche des foutes qui posent du lourd. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place et tu rêves des fous. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. Marseille Alonso sur Skyrock, il est en concert au Dôme de Marseille, c'est à la rentrée. Alonso, va se passer plein de choses d'ailleurs à la rentrée. Allez mater tout ça, hein. Franchement il y a plein de concerts qui vont avoir lieu juste après l'été. Il y a toutes les infos de dispo sur le site de la radio, que ce soit la tournée de Maître Gims, que ce soit la tournée de SCH, le concert de Nekfeu, il y a les concerts de Soprano aussi, et le concert de Alonso le 26 novembre, si ça vous dit d'y être. Allez mater toutes les infos sur le site de Skyrock, www.skyrock.fm. Le Morning Rap R&B sur Skyrock avec Pitbull et Florida sur Skyrock avec Green Light. C'est pas tout, il y a Ritza aussi qui arrive juste après. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Eh ouais, l'horoscope de l'amour, c'est votre puissance sexuelle sur une échelle de 0 à 5. Alors c'est 0 sur 5 pour les Verseaux et les Poissons. Un mardi à laisser de côté, soyez vigilants, les dieux de l'amour ont une dent contre vous. 1 sur 5 pour les Taureaux et les Cancers. Laborieux, compliqué, sachez vous faire oublier pour saisir votre chance le moment venu. 2 sur 5 pour les Scorpions et les Gémeaux. Un début de semaine mitigé, agissez avec parcimonie et prudence. 3 sur 5 pour les Sagittaires et les Lions. Mauvais départ ne veut pas dire arriver foireux. Soyez persévérant et ne laissez pas passer votre chance le moment venu. 4 sur 5 pour les Balances et les Béliers. Une journée pleine de promesses, peu de nuages à l'horizon. À vous de conclure. 5 sur 5, c'est les bestes aujourd'hui. C'est les Vierges et les Capricornes. Un mardi du feu de Dieu, sûrement le meilleur horoscope de l'amour de la semaine. Profitez-en. Allez profiter de la journée aussi en ce mardi, quel que soit votre horoscope de l'amour. Il y a la roulette aussi qui va tourner. On va faire un petit point sur l'actu aussi dans un petit quart d'heure. Là, il y a Jules qui va arriver pour les infos. Et puis le son, comme prévu, de Pitbull et de Florida. Sur Skyrock, c'est le Morning Rap R&B. Il est 6h45. Mr. 305, Flow Rider and Lunch Money. Three Miami boys, you know what time it is. Give me the green light, cause I'm ready to go. Let's have a good time. What you waiting for? You only got one life, and we gon' live it up. So give me the green light, cause I'm ready to go. Dream, I wanna make you ooh, ah, hear you scream. And I practice what I preach, if you know what I mean. I'm about that, mommy. Yeah, I got the key and I'ma lock that, mommy. Yeah, we can roll and I'ma rock that, mommy. I do what I say and say what I mean. Now let me jump in between. I'm getting loose in this thing. Like OJ, the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is, mommy, for you to give me the green light. So I can run through it like an easy pass. Find a G-spot and stay. step on the gas. Woo! Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Cause I'm ready to go. Pull up on her with the Chevy, real talk when the light turn green. Give me what I asked for, I got a passport. Mr. International, I hit the airport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash course. I like the cleanest, greenest, leanest, Serena Venus. Flow a genius, smoking Phoenix, you never seen this. I have a dream this, that 200 on the dash got me fiending. So I'm tryna ride out.

je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Comment ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Comment ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Comment ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Oh, je suis en feu. Appelle les pompiers. Le son de Soprano sur Skyrock. Avec en feu dans le morning rap R&B. It's the morning. The morning. Morning. The morning. Le morning rap R&B. Wake up. Wake up. 6h-9h sur Skyrock. Eh ben, merci de wake up avec nous sur Skyrock ce matin. Il est pratiquement 7h du mat. On vient passer la matinée avec vous. Le morning rap R&B. Il y a des cadeaux qui vont tomber, bien sûr, puisqu'il y a la roulette qui va tourner, promis, dans la matinée. La roulette sur Skyrock. On va se faire un petit point sur la météo aussi, sur le temps qu'il va faire aujourd'hui et sur l'actu. Et on va s'écouter du son aussi, ben, juste après Jules. On va s'écouter DJ Snake qui va débarquer sur Skyrock. Avec Justin Bieber. Franchement, il défonce le son de DJ Snake. Pour attaquer la journée, pépère. DJ Snake, Justin Bieber, Let Me Love You sur Skyrock, SCH, DJ Khaled et Drake. Tout comme Nekfeu sur Skyrock. Juste après, les infos de Jules. Et ouais, et un temps mitigé ce matin, du soleil sur le nord-ouest et le sud-est. Pour le reste, c'est de la pluie et de la grisaille. Cet après-midi, le soleil reste majoritaire, mais il y a toujours ces nuages gris qui se déplacent sur le sud-ouest et l'est du pays avec des averses. Les températures ce matin vont de 15 à 29 degrés, 15 à Strasbourg, 16 à Caen, 18 à Lille, Nantes et Paris, 21 à Biarritz et 26 à Nice. Cet après-midi, elles vont de 16 à 30 degrés, 19 à Brest, 21 à Lyon et Nancy, 23 à Bordeaux, 24 à Toulouse et 28 à Marseille. La pollution, c'est bien aujourd'hui, des indices entre 3 et 5, 3 à Reims, 4 au Mans et 5 à Cannes. Ah bah cool, c'est bien. On se fait un petit point aussi sur les JO. C'est moins bien pour les Français, par contre. Ouais, une seule médaille pour la délégation française après 3 jours de compétition. Hier, la France a encore connu des déceptions. La première, la 5e place de Camille Lacour au 100 mètres d'eau. Ensuite, en judo, chez les moins de 57 kilos, Autonne Pavia a été battue en quart de finale, puis au repêchage. Autre résultat manqué, en escrime, Manon Brunet termine 4e. Les Françaises s'inclinent en handball 26-25 contre la Russie. Et très mauvaise journée en tennis aussi. Caroline Garcia, Christina Mladenovic, Alizé Cornet et Joe Wilfried Tsonga sont éliminés. La bonne nouvelle, elle est en basket. Les Bleus ont réagi après la défaite en match d'ouverture contre l'Australie. Une réaction était attendue, c'est fait. Victoire 88-60 des coéquipiers de Tony Parker face à la Chine. Prête à commettre un attentat en France, une adolescente de 16 ans a été interpellée la semaine dernière dans le cadre d'une opération antiterroriste à Melun. Elle a été mise en examen et écrouée. Elle est présentée comme très radicalisée. Elle aurait exprimé son intention de passer à l'acte sur la messagerie Telegram. Le gouvernement promet d'agir sur la surpopulation des prisons. Le Premier ministre et le garde des Sceaux étaient hier à la maison d'arrêt de Nîmes où le taux d'occupation est de plus de 200%. Un plan pour créer de nouvelles places en prison devrait être proposé à la rentrée. On termine avec du sport. Manchester United officialise la venue de Paul Pogba. Contrat de 5 ans plus 1 en option. Le montant du transfert est de 105 millions d'euros plus 5 de bonus. Ce qui fait de Pogba le joueur le plus cher de l'histoire du foot. Ah bah, félicitations à lui. Et ouais, et puis André Ayew rejoint Dimitri Payet. L'ancien joueur de Swansea va retrouver son ancien coéquipier de l'OM. Il vient d'être acheté à 24 millions d'euros par West Ham. Le milieu ghanéen de 26 ans a signé pour 3 saisons. Merci, tu reviens tout à l'heure à 7h30, Jules. A tout à l'heure. T'écoutes la première radio urbaine mondiale. Skyrock. Ouais, on vient passer la matinée avec vous sur Skyrock. Mettez-vous bien, franchement, et courage à ceux qui se lèvent là pour aller bosser. Quoi de mieux que d'aller bosser avec le son de DJ Snake. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Le Morning Rap R&B, 6h-9h sur Skyrock. Oh non, ah ouais, non, non. J'aurais pas trop là, mais tu sais, je t'aime, bébé. On a grandi mal, c'est la faute à la télé. J'pourrais pas tout dire, c'est sûr que tu te feras des films. Tu m'imagineras nu dans un lit, dans les cuisses d'une entrefait. Moi, j'serai partout, tant tu m'attendras du rimel sous les cils. Nos photos portraits dans des cadres, la solitude te fera des signes. J'reviendrai, tu seras distante, mais j'sais toujours te faire rire. J'saurais toujours te faire crier, j'saurais toujours te faire pire. Non, non, j'aurais pas tout fait pour te perdre, mais j't'ai perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je sais que tu vas partir. Me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, t'es au travail? J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, bobo, bobo, ça va pas fort. Allons-nous-en. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, j'crois que t'as besoin, t'aurais pas. Allons-nous-en. J'aurais ni trop lâche, ni mort pour ma franchise. Ville avant l'âge, je reçois que des éloges, mais je dois t'affranchir. Je parle à la faucheuse, la nuit, je me réveille en nage. Sûrement noyé par mes torts, noyé par mes remords ou l'argent que j'ai à blanchir. Là, je suis partout, toi tu m'inspires, mais t'es plus là. Bébé, toutes les thèses de France me disent que je suis un artiste. Peut-être qu'il fallait que je te retienne, fallait que je te prenne, fallait qu'on se tire. Mais maman devait vivre mieux, maman mérite un empire. J'aurais pas tout fait pour m'y perdre, je m'y suis perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour m'y plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je vais partir. Te laisser seul compter les étoiles. Encore une fois, je m'en vais faire de l'oseille. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, j'crois que t'as besoin. T'aurais pas, allons-nous-en. J'aurais pas tout fait pour te perdre, mais j't'ai perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, tu vas partir. Me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, j'me dirais que je n'ai que ma mère. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, bobo, bobo, allons-nous-en. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, j'crois que t'as besoin, t'aurais pas, allons-nous-en. Ouais man, ça va. Je te rappelle après. J'ai plein de travail. Pardon. Premier sur le rap, sur le rap, premier sur les nouveautés. Skyrock, Skyrock, another one. We the best music, music, major key, DJ Khaled. Yeah, I go on and on. Can't understand how I last so long. I must have the superpowers. Last 223,000 hours, and it's 'cause I'm off of CC, and I'm off the Hennessy. Like your boy from Compton said, you know this dick ain't free. I got girls that I should've made pay for it. Got girls that I should've made wait for it. I got girls that'll cancel a flight back home, stay another day for it. You got attitude on 9-9, yo. Pussy on agua, yo. Stomach on flat flat, and yo. Ass on what's that, and yeah, I need it all right now. Last year I had drama, girl, not right now. I was never gonna chat, what we talking about? You the only one I know can fit it all in a. Man, I always wonder if you ask yourself, is it just me? Is it just me? Or is this sex so good I shouldn't have to fall for free? Is it just me? Yeah, is it just me? Is this sex so good I shouldn't have to fuck for free? I know you working day and night to get a college degree. Bet nobody that you've been with even know you're free, right? You know you only do that with me, right? Yeah, double checking on you. You know I never put the pressure on you. You know that you make your own mind up. You knew what it was when you signed up. Now you gotta run it up. I be out of words trying to sum it up. Girl, you throw it back like one love. Even let me slash on the tour bus. Yeah, I told her, but she don't do enough.

Le morning rap R&B sur Skyrock, il est 7h14 et le son de Nekfeu sur Skyrock. Il y a une date de prévu d'ailleurs du côté de Paris-Bercy pour la fin de l'année 2016. Il y a toutes les infos de dispo sur le site de la radio pour Nekfeu et pour les autres tournées d'ailleurs, hein, sur le www.skyrock.fm. Tiens, je vais faire un gros big up à ceux qui nous envoient des petits messages là ce matin, qui sont déjà debout, certains qui vont travailler d'ailleurs. Bah, dédicace à vous tous. Merci d'être là sur Skyrock. Courage pour la journée de travail. On est mardi matin. Il y a l'horoscope de l'amour qui va débarquer dans quelques instants sur Skyrock. Votre puissance amoureuse sur une échelle de 0 à 5. Ouais, ça va pas louper hein, pour savoir si la journée va bien se passer côté amour. Le son sur Skyrock ce matin. C'est Major Lazer sur Skyrock avec Cold Water. Major Lazer et Justin Bieber. C'est pas tout. Vita, Jul. Et puis Justin Timberlake sur Skyrock. Ça arrive tout de suite dans le morning rap R&B. Plus écouté que Hot 97 à New York. Plus écouté que Power 106 à Los Angeles. La radio rappée R&B la plus écoutée au monde, c'est Skyrock. Skyrock, première radio urbaine mondiale. DJ Snake. Découvre encore le premier album de DJ Snake. Inclut les singles Middle et Talk. Avec Justin Bieber, Travis Scott, Young Thug, Jeremiah et bien d'autres. Encore, le premier album de DJ Snake, disponible maintenant. Alors c'est cool d'habiter seul ? Grave, ça m'évite pas mal d'allers-retours. J'avoue que la fac c'était un peu loin de chez tes parents. Eh, hey, ça m'évite surtout des allers-retours entre mon canapé et mon lit. Vous aussi, adoptez le confort de nos canapés-lits. En ce moment, le canapé convertible L'XL Mur Boransta est à 229€ au lieu de 289. Sur présentation de la carte gratuite IKEA Family, détails sur IKEA.fr. IKEA. Drake. I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. I'm way too good to you. Drake, nouvel album Views disponible. Yeah. The morning. Rap and R&B. Rap. Le morning rap et R&B. 6h-9h sur Skyrock. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. Time.

carton de Justin Timberlake sur Skyrock à 7h27. C'est le morning rap R&B sur Skyrock. Il y a la roulette qui se prépare et qui va tourner, promis, dans la matinée. On vous prépare aussi un horoscope de l'amour pour ce mardi. Votre puissance amoureuse sur une échelle de 0 à 5. Ce sera à découvrir, bah, promis, là, dans quelques instants sur Skyrock. Et puis, soyez à l'écoute aussi du morning rap R&B, bah, demain, déjà aujourd'hui. Merci d'être là. Mais demain, on aura des places de foot parce que c'est la reprise de la Ligue 1. Et ouais, la Ligue 1 qui repart ce week-end. Donc, on aura les places pour aller mater Bordeaux-Saint-Etienne, Montpellier-Angers, pour aller mater Dijon-Nantes, pour aller mater Caen qui joue face à Lorient, Metz qui va jouer face à Lille, Marseille face à Toulouse, Nancy face à Lyon et Nice face à Rennes. Voilà, bah, beau programme pour la reprise de la Ligue 1. Bah, on aura plein de places à vous offrir. Restez à l'écoute demain, promis, dans le morning rap à Rennes. Elle est belge, elle s'appelle Shay. Elle est produite par Booba. C'est Mode Weed qui arrive dans un instant au PMW sur Skyrock. Et puis là, on est parti pour la cure. On va attaquer directement avec un petit point sur la météo et les indices de pollution pour aujourd'hui, Jules. Ouais, bah c'est moyen ce matin. On a du soleil sur le nord-ouest et le sud-est, mais on a une forte précipitation sur le reste du pays. Cet après-midi, elle va un peu disparaître. Le soleil reste majoritaire, mais on a toujours cette grisaille qui se déplace sur le sud-ouest et l'est de la France avec quelques averses. Les températures ce matin vont de 15 à 29 degrés, 15 à Strasbourg, 16 à Lorient, 18 à Lille, Nantes et Paris, 21 à Bordeaux et 26 à Cannes. Cet après-midi, elles vont de 16 à 30 degrés, 19 à Brest, 21 à Lyon et Metz, 23 à Agen et Bayonne, 24 à Toulouse et 28 à Marseille. La pollution, c'est bien aujourd'hui, des indices entre 3 et 5, 3 à Rouen, 4 à Rennes et 5 à Clermont-Ferrand. On a écouté le petit extrait de Shay qui arrive. Il y a Sam Smith aussi avec Mary J. Blige et Jules avec Mon Bijou sur Skyrock. Après 3 jours de compétition, une seule médaille pour les Bleus, mais une bonne nouvelle, les Bleus en basket ont réagi après la défaite en match d'ouverture contre l'Australie. Une réaction était attendue et ben c'est fait. Victoire 88-60 des coéquipiers de Tony Parker face à la Chine. Ça me dégoûte de voir des gens qui ont triché sur le podium. Les mots de Camille Lacour après sa 5e place du 100 mètres d'eau. Il s'est exprimé sur les dopés. Il a notamment pointé du doigt le nouveau champion olympique du 200 mètres, Sun Yang, un ancien nageur contrôlé positif. Le programme du jour avec des chances de médailles, peut-être à 14h l'escrime avec Gauthier Grumier, en équitation à 15h avec le saut d'obstacle par équipe, même heure le judo avec une Française et un Français qui devraient terminer sur les podiums si tout se passe bien, et puis en fin d'après-midi à 18h30 Denis Garbeau pour pourquoi pas succéder à Tony Estanguet. Une jeune fille de 16 ans mise en examen et en détention provisoire, elle était prête à commettre un attentat en France. L'adolescente a été interpellée la semaine dernière dans le cadre d'une opération antiterroriste à Melun. Elle est présentée comme très radicalisée. Elle aurait exprimé son intention de passer à l'acte sur la messagerie cryptée Telegram. 2 ans de prison pour avoir consulté des sites faisant l'apologie du terrorisme, un comportement qui a alerté les services de renseignement. L'homme de 31 ans aurait laissé entendre qu'il souhaitait la destruction de la tour Montparnasse à Paris. On termine avec une info mercato pour les supporters du PSG et de la Juve. Blaise Matuidi est direction Turin pour 30 millions d'euros. Et ben c'est ce que rapportent les médias italiens. Ils parlent même d'un accord entre les deux clubs. Le joueur se serait mis lui aussi d'accord avec les Turinois sur les termes du contrat. Pas de confirmation pour le moment du côté italien ni du côté français. Ok, bah si t'as des infos, on sait jamais. Hein, d'ici 8h du matin, de toute façon tu reviens à 8h. Donc tu nous rendras les dernières infos transfert européennes, peut-être pour Blaise Matuidi, donc direction l'Italie, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Normalement, il devrait se diriger vers la Juve pour remplacer Paul Pogba. Ouais, bah tiens, puisque Momo du 6-9 demande, il est parti où Romano? Et puisqu'on parle d'Italie, je pense qu'il avait fait un petit tour du côté de l'Italie. Il y a Diffoul aussi qui est parti du côté de l'Italie profiter un peu des vacances. Bah, ils seront de retour bientôt de toute façon sur Skyrock. Tiens, dédicace à toi, Momo du 6-9. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, pas de problème. Franchement, on répond en direct sur Skyrock. Bon, c'est le morning rap R&B, on répond en direct, mais on s'écoute du son aussi. Hein. Franchement, le matin pour attaquer la journée à 7h30, comme promis, c'est Shay qu'on s'écoute maintenant, signé sur le label de Booba. Vous la découvrez en ce moment, elle est belge et c'est Pussy Mounawid qu'on écoute. C'est PMW sur Skyrock. Hey, hey, sur ce canal. Chacune de nos sorties se fait les mains gâtées. Les grands de ce lien me voient ou veulent l'engranger. KO2P m'a dit interdit de te mélanger. Passe pas dans ma rue si c'est toi l'étranger. Mes ennemis veulent ma mort, mais j'en ai rien à branler. Y'a que le JB qui peut niquer ma santé. Si c'est pour ma daronne, je peux crever le monde entier. Torchons dans la tête et ces putains vont danser. Les petits ont des visions. Tu vas gagner l'euro million et prendre les mêmes décisions. Oh. On est foncé dans la ville à deux trois heures. Compte même plus les bitches qu'on a ketchup. si tu donnes le choix, on quittera pas le bendo. Plus c'est money weed et un tas de blame pour. Laissez-nous mener la vie qu'on veut. Laissez-nous mener la vie qu'on veut. Laissez-nous mener la vie qu'on veut. Laissez-nous mener la vie qu'on veut. On est foncé dans la ville à 2-3 heures. Trouve même plus les bitches comme la ketchup. Même si tu donnes le choix, on quittera pas le bendo. Plus c'est money weed et un tas de blame pour. Laissez-nous mener la vie qu'on veut. Laissez-nous mener la vie qu'on veut. Laissez-nous mener la vie qu'on veut. Laissez-nous mener la vie qu'on veut. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay? All I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Why am I so emotional? This is not a good look, gain some self-control. And deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all. C'est t'as le choix. J'suis content, ça se voit. Quand j'entends ta voix, j't'aime bien habillé ou en pyjama. Coiffé ou avec les pinces. Des fois, t'sais pas où t'as mal. Suffit d'un sourire pour faire une étincelle. Y'a ce gros boule dans la cuisine. je suis sous résine, j'hallucine. Tous les jours mes yeux te dessinent, je pense à toi quand je suis dans ma piscine. Y'a ce gros poule dans la cuisine. Je suis sous résine, j'hallucine. Tous les jours mes yeux te dessinent, je pense à toi quand je suis dans ma piscine. T'es mon bijou, je suis fou de toi, je veux mon bisou. Dans mon bijou, oh, oh. Dans mon bijou, oh, oh. T'es mon bijou, je suis fou de toi, je veux mon bisou. Dans mon bijou, oh, oh. Dans mon bijou, oh, oh. T'es mon bijou, je suis fou de toi, je veux mon bisou. Dans mon bijou, oh, oh. Bijou, oh, oh. Dans mon bijou, oh, oh. Bijou, oh, oh. T'es mon bijou, je suis fou de toi, je veux mon bisou. C'est le morning rap R&B sur Skyrock. Il est 7h39 et là c'est Jules le Marseillais avec Mon Bijou sur Skyrock. On vous prépare un horoscope de l'amour qui arrive, votre puissance amoureuse sur une échelle de 0 à 5 là pour ce mardi 9 août. Calvin Harris et Rihanna tout de suite pour le son. Et puis Tal aussi qui se prépare avec Are We Away qui est un des sons de son troisième album qui va sortir à la rentrée. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Watching her, but she's looking at you. R&B. Le morning rap et R&B, 6h-9h sur Skyrock. Skyrock. L'impression d'une vie dans le noir. L'ennui éteint tous nos espoirs. Inconscient, une vie illusoire et incapable de voir. Mais tu sais que sans en avoir l'air, tu construis l'histoire, à chacun sa gloire. S'arrêter quelques heures, s'en aller comme un avion qui passe dans ce monde qui nous laisse. Tal sur Skyrock est de retour avec un nouvel album, c'est prévu pour la rentrée pour Tal. Are We Awake à l'instant sur Skyrock. On va s'écouter du son ce matin. Le morning rap et R&B avec Designer Penda sur Skyrock et la roulette aussi qui se prépare. On va faire un petit point sur l'info et sur les JO aussi. Hein. C'est pas glorieux pour la France pour le moment. On a une seule médaille d'argent en plus et les États-Unis ils en ont déjà 19 devant la Chine et l'Australie. Bon, faut s'y mettre un petit peu, mais on reste confiant. Donc on va se faire un petit point sur l'info là tout à l'heure. La météo aussi, les indices de pollution. Ça arrive tout à l'heure avec Jules à 8h du mat. Et puis là, c'est parti pour l'horoscope de l'amour. Hein. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. L'horoscope de l'amour, c'est tous les jours et c'est votre puissance sexuelle sur une échelle de 0 à 5. Alors 0 sur 5 pour les Verseaux et les Poissons. Un mardi à laisser de côté, soyez vigilants, les dieux de l'amour ont une don contre vous. 1 sur 5 pour les Taureaux et les Cancers. Laborieux, compliqué, sachez vous faire oublier pour saisir votre chance le moment venu. Elle va venir. 2 sur 5 pour les Scorpions et les Gémeaux, pardon. Un début de semaine mitigé, agissez avec parcimonie et prudence. 3 sur 5 pour les Sagittaires et les Lions. Mauvais départ ne veut pas dire arrivée foireuse. Soyez persévérant, ne laissez pas passer votre chance. 4 sur 5 pour les balancer les béliers. Une journée pleine de promesses. Peu de nuages à l'horizon. À vous de conclure, pardon. 4 sur 5 donc pour les balancer les béliers. 5 sur 5 pour les vierges et les capricornes. Un mardi du feu de Dieu, sûrement le meilleur horoscope de l'amour de la semaine. Profitez-en. Voilà pour l'horoscope de l'amour. La roulette qui arrive, le son comme promis. Designer sur Skyrock. C'est Panda maintenant dans le morning rap R&B sur Skyrock. Il est 7h, pratiquement 48. Allez, bon début de journée. Courage pour ceux qui vont bosser là aujourd'hui. Et puis bon été à ceux qui profitent aussi. Fendi. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards in the scammers, hitting no licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the hands. Legacies, family, wait and see, family. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out for granted. In the bullet, you band it, hope you killers understand it. I got broads in Atlanta, twisted to me in the family. Credit cards in the scammers, hitting no licks in the van. Legacy, family, why is it look like a panda? Going out like a Montana, honey killers on the hands. Legacy, family, why is it brand new? Package full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out for granted. Hey! Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. I get broads in Atlanta, twisted the main street, sipping Fanta. Credit cards in the scammers, wake up beside you, let it sound. Over to Lattice, they be acting rats, I know we clap at you. I be pulling my stuff in the finest shoe. I got plenty of stuff with Bugatti, but look how I tried to shoot. Black and six, Phantom, why is he killing no comma? Pop a perk, I got signing gorilla, they come and kill you with bananas. For feelings, I feel it, pull up in the finest. No niggas, they come and kill you on the comment. But Broly is dancing bigger than the pound, go out to the Grammy, but pull it, you find it. Pull up, I'ma flip it. I got bills, pull up and they get it. I got niggas, just count for digits. Say you make you a lot of new money. No some killers, pull up in the end of baby. CTD pull off and he kill it, baby. Call a feeling, feel like gon' feel it, baby. Lips up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broads, yeah, I get it. I got cards, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spinning it. Bobby be trending. Chop the dawn, doing business. In the brave, doing the fool, and I'm doing the feeling. I be getting to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas be bleeding. Panda. Panda, panda, panda, panda. I got broads in the line, just to throw me in the family. Credit cards in the scammers, hitting no licks in the bando. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the helmets. Legacies, family, wait and see, panda. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out to for Grammy. Then they pull up your band, hope killers understand me. I got broads in the line, visit the lean in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies, family, why is it look like a panda? Going out like a Montana, honey killers on the hands. Legacies, family, why is it panda? Packers full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out for Grammy. Then nigga pull up your band, hope the killers understand me. Panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda. Le son du New Yorkais designer sur Skyrock, il est 7h51. Panda à l'instant sur Skyrock. Soyez là demain aussi à la même heure. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il y a la reprise de la Ligue 1 ce week-end et on aura plein de places de foot à vous offrir dans le Morning Rap R&B, les places de foot pour aller mater les matchs qui reprennent. Bordeaux-Saint-Etienne, on aura les places pour Montpellier-Angers, les places pour Dijon-Nantes si vous êtes du côté de Dijon, Caen-Lorient, Metz-Lille, les places pour Marseille face à Toulouse si vous êtes du côté de Marseille, Nancy face à Lyon. Et Nice face à Rennes aussi, si je dis pas de bêtises. Non, c'est le 14 août. Ouais, c'est ça. Nice face à Rennes, entre autres. Voilà pour les places de foot qui vont tomber demain dans l'émission. Donc reste à l'écoute. Promis, ça va tomber pour vous. Il y a la roulette aussi qui va tourner avec à l'intérieur les places pour aller mater le concert exclusif, le spectacle exclusif du Whoop. Ça va tomber, promis, avant 9h du mat dans le Morning Rap R&B sur Skyrock. Soprano arrive aussi. Il est en vacances en ce moment, Soprano. J'ai maté une photo qui date de 4 jours sur les réseaux sociaux. Il est en famille, il profite, il a bien raison. Profitez bien aussi, c'est le cas pour vous. Et si vous bossez ce matin, bah courage à vous, hein. Franchement, on vous accompagne. Dédicace à vous tous, là, ceux qui bossent le matin. Drake avec Wenden sur Skyrock. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. En tout cas, merci d'être là, d'attaquer la journée avec nous. Il est 7h52, on est mardi matin et on est le 9 août. Skyrock. Skyrock et Sam t'offrent le spectacle du Whoop en exclu. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui boit pas. Un show unique organisé par Sam. Ça, c'est bien. Et seulement pour les auditeurs de Skyrock. Aujourd'hui, sur Skyrock, on reçoit un rappeur du 8-3. C'est MTTW, t'es prêt? Ok, alors balance le beat. Vas-y, balance. Écoute Skyrock toute la journée. On voit Roulette au 7-20-20. Il gagne tes places pour voir Mister V, Hugo tout seul, Malcolm to the World, Mike, Jérémy, Hakim et Youssoupha. Eux, c'est le Whoop. Rien que pour toi, le 16 septembre à Paris avec Skyrock. Le show exceptionnel du Whoop, en exclu pour Skyrock. Alors qu'est-ce qu'on dit? Merci Sam. Rien que pour les beaux yeux de Sam, celui qui te raccompagne chez toi après les soirées. Comme ça tu seras en vie à la rentrée pour venir voir le Whoop sur scène. Et ça c'est bien, ok? Major Lazer, Justin Bieber, Cold Water. Les Major Lazer invitent Justin Bieber pour nous livrer un nouveau hit planétaire. Major Lazer et Justin Bieber, Cold Water. Chérie, que tu continues de l'accompagner jusqu'à la grille de l'école, pourquoi pas? Que tu lui donnes encore des surnoms d'animaux en public, à la limite. Mais regarde les choses en face, il a les pieds qui dépassent du lit, ton canard des îles. Ça tombe bien, en ce moment chez Ikea, le cadre de lit Malm 90 cm par 200 est à 99€ au lieu de 129. Sur présentation de la carte gratuite Ikea Family, détails sur Ikea.fr. Ikea. Suicide Squad, le son du film événement avec Lil Wayne, Wiz Khalifa, Rick Ross, 20 White Pilots. Suicide Squad, à découvrir dans tous les magasins Fnac et sur Fnac.com. Fnac. Le morning rap R&B, 6h-9h sur Skyrock. Le son de MHD sur Skyrock avec Maman J'ai Mal. Dans le morning rap et R&B, les 7h55. Je suis pauvre, au fond c'est la même. Les mêmes comptes à rendre devant le tout puissant. J'essaie de garder la foi, en transer des mots. Je pète les deux à la fois. Maman me fait confiance, elle dit que je suis un bras. Pour la sortir des soucis, je peux laisser un bras. Le bête compte sur moi à la fin du mois. J'ai plus la force pour lever le voile. Toujours les mêmes, j'ai pas changé. J'ai blessé des gens, j'en suis désolé. Le soir, chez moi, je gratte des cesses pour me consoler. Toujours les mêmes qui m'ont suivi. Et les mêmes qui m'ont haï. J'ai pas changé d'équipe. Le début du business. Maman j'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin. Mais les jaloux sont là. Le soir je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin. Mais les jaloux sont là. Maman j'ai mal. Maman j'ai mal. Ah. Jusqu'à la maison, l'équipe s'est réduite à chaque saison. On m'a dit MHD, vas-y tout seul. Personne te suivra dans ton cercueil. La confiance achète, l'amitié ça paye pas. Si l'amour est avec pour maman, je serai Charles. Un œil sur ma montre, c'est mon air qui approche. Avant de bouger d'ici, je vais faire danser mes proches. Toujours les mêmes, j'ai pas changé. J'ai blessé des gens, j'en suis désolé. Le soir, chez moi, je gratte des cesses pour me consoler. Toujours les mêmes qui m'ont suivi. Et les mêmes qui m'ont haï. J'ai pas changé d'équipe. Le début du business. Maman j'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin. Mais les jaloux sont là. Le soir je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin. Mais les jaloux sont là. Maman j'ai mal. Maman j'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin. Mais les jaloux sont là. Le soir je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin. Mais les jaloux sont là. Et plus le temps passe, je me rends compte que le succès n'est jamais très loin. J'étais loin des strass, j'appréhende toujours quand je monte sur l'estrade. J'entends le bruit de la foule, maman t'inquiète pas, ton fils va tenir le coup. Je me plains pas, j'ai la meuf qui m'entoure. On dit que j'ai prié à l'enceinte en mon tour. Maman j'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin mais les jaloux sont là. Le soir je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin mais les jaloux sont là. Maman j'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Le soir, je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Maman, j'ai mal. Maman, j'ai mal. Le morning rap et R&B, 6h-9h sur Skyrock. Monsieur,

Le son de Maître Gims sur Skyrock. Le premier invité de Fred dans Planète Rap, Maître Gims, c'est lui. Ce sera le 22 août, Maître Gims avec Ma Beauté sur Skyrock. Le morning rap et R&B, on est bien, on est sur Skyrock. Il est 8h17, on est mardi matin. Il y a plein de cadeaux à choper d'ailleurs le matin sur Skyrock. Entre les places pour aller mater la Ligue 2, les places pour aller mater la Ligue 1 aussi. Car prend ce week-end d'ailleurs la Ligue 1, on aura tous les matchs à domicile pour vous à choper sur Skyrock. Le top 14 aussi, hein, c'est dans 10 jours la reprise du top 14. On aura bien sûr des places de pour les fans de rugby aussi qui vont tomber le matin sur Skyrock. La roulette, ouais, qui veut la faire tourner la roulette ce matin? Peut-être que vous bossez tranquillement ou alors vous êtes en vacances et vous levez tôt à 8h17 en vacances, pourquoi? Bon bah n'hésitez pas franchement à vous inscrire pour faire tourner la roulette. La roulette avec les places pour aller mater le Whoop, le concert, le spectacle, parce que ouais il chante un petit peu, donc je peux dire concert spectacle du Whoop. C'est cadeau pour vous, le concert exclusivement réservé aux auditeurs de Skyrock. C'est à la rentrée et c'est cadeau pour vous dans les roulettes qui sont non-stop. Facile, vous envoyez le mot roulette au 72020 et vous repartez avec vos invites pour vous, la personne de votre choix. Le son sur Skyrock, on enchaîne directement avec Alonso qui arrive, le nouveau DJ Snake aussi, hein, qui défonce avec la voix de Justin Bieber. Soprano en feu sur Skyrock, ça débarque tout de suite dans le morning rap R&B sur Skyrock. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, il y a comme un hic, un hyper hic même. Oh là oh là, qu'est-ce qui se passe encore chez Lidl? Bah c'est la feria de la tortilla. Dès demain pour la semaine espagnole, les tortillas chorizo, épinards, oignons, lard ou poivrons sont à 1,99€ les 500 grammes. La tortilla de patata à moins de 2€, bah on n'est pas sorti de l'auberge espagnole. Un tortilla de patatras, oui. Ah on est moins mal patron. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. D'or et de platine présente. Mon bisou, je fous toi, je veux mon bisou. Joule. Mon bidou, oh, oh. Son nouvel album Émotion, maintenant disponible. Émotion, toujours disponible. Alors c'est cool d'habiter seul? Grave, ça m'évite pas mal d'allers-retours. J'avoue que la fac c'était un peu loin de chez tes parents. Eh, ça m'évite surtout des allers-retours entre mon canapé et mon lit. Vous aussi, adoptez le confort de nos canapés-lits. En ce moment, le canapé convertible L'XL et Murboransta est à 229€ au lieu de 289. Sur présentation de la carte gratuite IKEA Family, détails sur IKEA.fr. IKEA. Lucas, j'ai dit pas de portable à table. Non mais je te le dis, on nous ment. Tout ça, c'est un coup des services secrets, je le sais, je l'ai lu sur Internet. Et moi, on m'a parlé des Illuminati, tu connais? Non. C'est une société secrète qui dirige le monde, ils sont partout, il paraît. Mais n'importe quoi, vous avez des preuves? C'est quoi vos sources? Lucas? Papa, maman, faut pas croire tout ce qu'on entend. Hein. Théorie, rumeur, complot, prenons du recul et vérifions toujours l'info. Retrouvez comment distinguer le vrai du faux sur ontemanipule.fr. Il rentre dans la surface et c'est le but! Avec la Total Sport à 35€ par mois pendant un an, le sport ne s'arrête jamais. Vivez les plus grandes compétitions sur les plus grandes chaînes. Retrouvez 100% de la Ligue 1 et de la Champions League sur Canal+ et beIN Sport, l'intégralité du Top 14 sur Canal+ et Canal+ Sport et les plus grands tournois de tennis sur Eurosport et beIN Sport. Appelez vite le 3910. Service payant 25 centimes la minute, offre soumise à condition pour tout nouvel abonnement simultané aux chaînes Canal+, à CanalSat 100% Sport et à beIN Sport. Carrefour Market. En été, on dit qu'il faut beaucoup s'hydrater. Je veux bien, mais on peut choisir une eau qu'on aime pour se faire plaisir. Bien sûr, Michel. Jusqu'au 21 août, chez Market, c'est la fête de l'eau. Par exemple, pour un pack de Volvic acheté, le deuxième identique est gratuit. Et c'est aussi valable sur d'autres marques. Oh, mais vraiment, vous n'êtes jamais à sec. Vous avez toujours de la fraîcheur dans les idées. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Consultez les magasins ouverts lundi 15 août. 8 fois 1 litre 5, magasins participants sur carrefourmarket.fr. Morning rap and R&B. Rap. Morning rap et R&B, 6h-9h sur Skyrock. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle.

stop. Then she says I bought it, and I said I bullet. No matter where I go, go, you know I love them all. She from Africa, but she fuck me like she Haitian. Ass black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candid camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina. She from Arizona. Then I met a girl in Cali. I never disown her. She got that high grade. Her weed come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me, to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my rara. Then she said, sabate. And I said, nabule. No matter where I go, go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my rara. Then she said, sabate. And I said, nabule. No matter where I go, go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my rara. Then she says, I bought it. And I said, na boule. No matter where I go, go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my rara. Then she says, I bought it. And I said, na boule. No matter where I go, go, you know I love them all. Il est 8h30 sur Skyrock, on attaque la journée avec le Morning Rap et R&B, on se mardi matin, j'espère bon pour vous, bon été si vous profitez, si c'est les vacances pour vous, sinon courage pour tous ceux qui bossent là d'ores et déjà avec le son de Skyrock ou qui attaquent leur journée avec le son de Skyrock, et le Morning Rap et R&B avec Alonso qui arrive. Avec Binta sur Skyrock, il y a le Dôme de Marseille de Alonso, c'est prévu pour le 26 novembre à la rentrée, et il y a plein de concerts de prévus, allez mater ça sur le site de la radio, le www.skyrock.fm. Là on se fait un petit point sur l'actu, on va attaquer directement avec Jules, avec la météo et les indices de pollution. Et ben ce matin c'est moyen, on a du soleil sur le nord-ouest et sur le sud-est, mais on a une forte précipitation sur le reste du pays. Cet après-midi elle va un petit peu disparaître, le soleil reste majoritaire, mais on a toujours cette grisaille qui se déplace sur le sud-ouest et l'est avec quelques averses. Les températures ce matin, bon, de 15 à 29 degrés, 15 à Strasbourg, 16 à Lorient, 18 à Lille, Nantes et Paris, 21 à Bordeaux et 26 à Nice. Cet après-midi, elles vont de 16 à 30 degrés, 19 à Brest, 21 à Lyon et Metz, 23 à Toulouse et Bayonne et 24 à Toulouse de nouveau, je sais pas pourquoi, mais finalement, on va dire que c'est à Agen, et puis 28 à Marseille. La pollution, c'est bien aujourd'hui, des indices entre 3 et 5, 3 à Rouen, 4 à Rennes et 5 à Clermont-Ferrand. La pollution, c'est bien pour aujourd'hui, mais c'est moins bien depuis 3 jours pour les JO, pour les Français. Ouais, parce qu'après 3 jours de compétition, une seule médaille pour les Bleus, on en espère d'autres aujourd'hui avec le programme du jour. À 14h, l'escrime avec Gauthier Grumier. En équitation à 15h, avec le saut d'obstacle par équipe. Même heure, le judo avec une Française et un Français qui devraient terminer sur les podiums si tout se passe bien. Et puis en fin d'après-midi, à 18h30, Denis Gargaud pour, pourquoi pas, succéder à Tony Estanguet. Deux ou trois dopés dans chaque finale, les mots de Camille Lacour après sa cinquième place du 100 mètres d'eau. De la déception et de la colère, évidemment. Et notamment, pointer du doigt le nouveau champion olympique du 200 mètres, Sun Yang, un ancien nageur contrôlé positif. SFR perd des abonnés sur le deuxième trimestre. Le groupe annonce avoir perdu près de 200 000 abonnés mobiles, une perte nette de 84 millions d'euros. Une jeune fille de 16 ans mise en examen et en détention provisoire, elle était prête à commettre un attentat en France. L'adolescente a été interpellée la semaine dernière dans le cadre d'une opération antiterroriste à Melun. Elle est présentée comme très radicalisée. Elle aurait exprimé son intention de passer à l'acte sur la messagerie cryptée Telegram. Son portable et son ordinateur sont en cours d'exploitation. On termine avec deux infos sport, deux infos mercato. La première pour les supporters du PSG et de la Juve. Blaise Matuidi, direction Turin pour 30 millions d'euros. C'est ce qu'annoncent les médias italiens. Ils parlent même d'un accord entre les deux clubs. Le joueur se serait mis lui aussi d'accord avec les Turinois sur les termes du contrat. Pas de confirmation ni côté italien ni français pour le moment. Et puis la deuxième info, c'est pour les supporters de l'OM. Tai Taiwo veut revenir. Le défenseur nigérian de 31 ans a été proposé à Frank Passy. Il serait prêt à faire de gros efforts financier pour aider le club qu'il a révélé. Ouais, et puis il y a un club qui visiblement a besoin d'aide. Compliqué pour les Marseillais. Et d'ailleurs, tiens, c'est parti pour cette nouvelle saison de Ligue 1. Ça commence au week-end avec Marseille qui va jouer face à Toulouse. Et d'ailleurs, on aura des invitations d'ailleurs demain dans le Morning Rap R&B. Si vous êtes supporter marseillais ou toulousain d'ailleurs, il n'y a pas de problème. Ou n'importe quelle autre équipe et vous voulez mater un match, vous êtes dans les parages du stade de l'Odrome. Ben, on aura des invites à vous offrir pour les mater au M Toulouse. Merci Jules, rencard demain. Ouais, à demain. Ouais, tu seras là pour attaquer la journée avec nous sur Skyrock. On sera là bien évidemment nous aussi pour attaquer la journée avec vous sur Skyrock. Et là on attaque avec Alonso maintenant sur Skyrock. Alonso avec Binta, il y a le son de Nicki Minaj et de David Guetta, il y a Calvin Harris et

Show came the truth. My screams is the proof. Some other dudes get the goose. So I speed in the coupe, leaving this interview. It ain't nothing new. I've been fucking with you. None of them niggas ain't taking you. Just tell them to make a you, huh? That's how it be. I come first, like debut, huh? So baby, when you need that, give me the word. I'm no good. I'll be bad for my baby. So make sure that he's getting his share. Make sure that his baby take care. Make sure I'm on my toes, on my knees. Keep him pleased, rub him down. Be a lady and a freak. Oh. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you. Il est 8h45, c'est le morning rap et R&B sur Skyrock avec le son de Calvin Harris. Calvin Harris et Rihanna sur Skyrock. La roulette qui se prépare, qui va tourner dans quelques instants. Il y a aussi l'horoscope de l'amour qui arrive dans une minute sur Skyrock. Et puis le son de Jules aussi. Jul avec Mon Bijou sur Skyrock. C'est un des titres que vous retrouvez sur le dernier album de Jul, le Marseillais, que vous avez découvert durant cette saison de Planète Rap. Entre 20h et 21h, Planète Rap, ça reprend le 22 août avec comme invité Maître Gims. Géant, ce sont les jours imbattables chez Géant. Jusqu'à demain, profitez de 50% de remise en bon d'achat sur l'aspirateur sans sac Roventa à 139€, soit un bon d'achat de 69,50€. Bon d'achat valable du 11 au 21 août, voire produits signalés en magasin, dans la limite des stocks. Les prix bas, c'est Géant. Vous trouvez qu'entretenir votre voiture, ça complique toujours votre journée? Eh bien Patrick, non. Ah non, moi, tout se déroule toujours comme prévu. Pour comprendre, revenons un peu en arrière. Là, Patrick est chez Noroto. Et bien gérer son temps, c'est facile avec Noroto. Les délais annoncés sont respectés. Sinon, désormais, on vous rembourse la main-d'œuvre. Noroto. Conditions et exceptions en centre et sur noroto.fr. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. L'horoscope de l'amour de ce mardi, votre puissance sexuelle sur une échelle de 0 à 5. Alors ça donne quoi? Ça donne 0 sur 5 pour les Verseaux et les Poissons. Un mardi à laisser de côté, soyez vigilants, les dieux de l'amour ont une dent contre vous aujourd'hui. 1 sur 5 pour les Taureaux et les Cancers, laborieux, compliqué, sachez vous faire oublier et saisir votre chance le moment venu. 2 sur 5 pour les Scorpions et les Gémeaux, un début de semaine mitigé, agissez avec parcimonie et prudence. 3 sur 5 pour les Sagittaires et les Lions, mauvais départ ne veut pas dire arrivée foireuse. Soyez persévérant et ne laissez pas passer votre chance. 4 sur 5 pour les Balances et les Béliers. Une journée pleine de promesses, peu de nuages à l'horizon. À vous de conclure. Et 5 sur 5 pour les Vierges et les Capricornes. Pardon. Vierges et Capricornes, en plus ça me concerne. Un mardi du feu de Dieu. Sûrement votre meilleur horoscope de l'amour depuis la semaine. Profitez-en. Il est 8h47 sur Skyrock. Voilà pour l'horoscope de l'amour. Il y a la roulette qui se prépare. Le son marseillais de Jul maintenant avec Mon Bijou sur Skyrock. Il y a Maxime qui va débarquer de tout à l'heure à partir de 9h du mat avec tout le son rap R&B de Skyrock. Je veux inviter à moi. Tu peux me laisser, t'as le choix. Je suis content, ça se voit. Quand j'entends ta voix, je t'aime bien habillé ou en pyjama. Coiffé ou avec les pinces. Des fois, tu sais pas où t'as mal. Suffit d'un sourire pour faire une étincelle. Y'a ce gros boule dans la cuisine. Je suis sous résine, j'hallucine. Tous les jours, mes yeux te dessinent. J'pense à toi quand je suis dans ma piscine. Y'a ce gros boule dans la cuisine. Je suis sous résine, j'hallucine. Tous les jours, mes yeux te dessinent. J'pense à toi quand je suis dans ma piscine. Mon bijou, je suis fou de toi, je veux mon bisou. Dans mon bisou, oh, oh. Dans mon bisou, oh, oh. T'es mon bijou, je suis fou de toi, je veux mon bisou. Sky. Took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, sad soul. Darling, oh, I know a sad soul, sad soul. Shot. I get along with old timers cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know our sad souls, sad souls. Darling, oh, I know our sad souls, sad souls. Sur nos Mike Posner sur Skyrock à 8h53 mardi matin avec Justin Timberlake qui arrive juste après la roulette qui tourne maintenant. C'est parti. Skyrock et Sam t'offrent le spectacle du Whoop en exclu. Avec Mickaël qui est en direct avec nous. Allô Mickaël. Allô, allô. Comment ça va Mickaël? Bah écoute, très bien même. Ouais, ça va, ça se passe. Tu fais quoi toi dans la vie Mickaël? Tu bosses, tu t'en vas? Chauffeur VTC. Ouais. Chauffeur VTC, non, pas de vacances. D'accord. Et t'es quoi, t'es dans Paris là? Oui, c'est ça. Ok, ça va pas? Des clients ce matin ou Très léger. Ah, tu m'étonnes, ils sont tous en vacances à Paris. C'est un truc bien dingue. Il n'y a plus personne. Bah, il y a que toi et moi en fait, on est deux. Il y a Maxime aussi qui arrive. Ouais. Ce sera tout à l'heure à 9h. On est trois en fait. Allez, c'est parti, la roulette qui tourne, tu l'arrêtes quand tu veux. On va écouter, okay. Voir si tu tombes sur la case. La case où? Allez, c'est parti. Stop! Allez, beau stop, félicitations. La roulette qui stoppe, qui ralentit sur. Casse cadeau pour toi. Eh ouais, tu repars avec le Whoop, c'est cadeau, c'est part directement à la maison, hein. Mickaël. C'est bon. Eh ouais, c'est pour bien attaquer cette journée de mardi, Mickaël. Rien qu'à plein de cadeaux là de Skyrock, tu vas repartir avec plein de clients derrière. Ah, la journée elle commence bien. Bon allez, prenez Mickaël, t'es quoi? T'es Uber, t'es chauffeur privé, t'es quoi toi? Je travaille avec les deux, chauffeur privé et Uber. Eh bah très bien. Pensez à Mickaël. Ça marche, Mickaël. Vas-y, bosse bien. Merci, en tout cas. Merci. Bonne journée à Paris et bonne journée de taf. Merci, merci à toi aussi. Ciao, vas-y, à plus. Ciao. Justin Timberlake qui arrive dans quelques instants sur Skyrock. Ça arrive juste avant 9h du matin, avant de retrouver Maxime. Plus écouté que Hot 97 à New York. Plus écouté que Power 106 à Los Angeles. La radio rappée R&B la plus écoutée au monde, c'est Skyrock. Première radio urbaine mondiale. C'est la folie des barbecues cet été sur Skyrock avec Géant Casino. Toi aussi, mets-toi en mode Brésil et envoie tes plus belles photos de soirée et de barbecue géant avec le hashtag Géant Brésil. et gagne ton voyage au Brésil. Dès maintenant, poste ta photo sur Twitter et Instagram avec le hashtag Géant Brésil pour participer. Ton futur voyage au Brésil, c'est maintenant avec les magasins Géant Casino. Showroomprivé.com présente. Cette petite robe frivole, ça y est, je deviens folle. Oh, ces ballerines en peau, j'en suis déjà marteau. Cette sélection de fringues pourrait bien me rendre dingue. Sur Showroom Privé, je m'apprête. Et oui, pas folle la guêpe. Et en ce moment, retrouvez les Crazy Days, les grandes marques jusqu'à moins 80% sur showroomprivé.com. Showroomprivé.com, il est urgent de se faire plaisir. Voir conditions sur le site jusqu'à épuisement des stocks. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, vous savez, je suis un gars bien. Moi aussi je suis un gars bien, nous sommes tous des jambons, et alors? Ah, vous l'avez dit, des jambons, comme chez Lidl. Dès demain pour la semaine espagnole, le jambon Serrano IGP 11 mois d'affinage minimum est à 1,49€ les 100 grammes. Les fines tranches de jambon d'Espagne à moins d'1,50€, c'est bon ça? Du Serrano en plus? Le patron, vous le prenez par-dessus la jambe? Bon, mais moi je vous le dis, on est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 14,90€ le kilo, offre valable jusqu'au mardi 16 août. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Pensez bien fort au métier de vos rêves. C'est agréable, n'est-ce pas? Et maintenant, dites-moi ce qui vous empêche de le faire. Votre âge, peut-être? Les enfants qui prennent du temps? Mais du coup, avez-vous pensé au CNED? Avec le CNED, profitez de formations à distance quand vous voulez et où vous voulez. C'est facile. Avec les contenus personnalisés du CNED, concentrez-vous seulement sur le métier que vous voulez. Chaque année, le CNED accompagne plus de 220 000 personnes vers la réussite, en France comme à l'étranger. Une façon de vous dire que vous n'avez pas rêvé? Rendez-vous sur CNED.fr. CNED, connecté à votre avenir. Le Morning Rap R&B. 6h-9h sur Skyrock. Maître Gims sur Skyrock, c'est le premier invité de Planète Rap cette saison. Ça va se passer le 22 août. Maître Gims avec 150 sur Skyrock. Rap and R&B. Rap. And R&B. R&B. Le morning rap et R&B, 6h-9h sur Skyrock. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. Justin Timberlake avec Can't Stop the Feeling sur Skyrock à 9h03 en ce mardi matin. Il est grand temps de laisser la place à Maxime. Salut Steph. Comment ça va Maxime? Bah écoute, en pleine forme, moi je suis content d'être là ce matin. Jusqu'à midi je vais vous passer du son et puis je vais vous faire des places pour aller voir le Whoop grâce à la sécurité routière. Ouais, c'est tombé tout à l'heure chez Mickaël qui était de la région parisienne et qui était chauffeur dans Paris en train de bosser à l'heure actuelle. Voilà. Et bah on lui espère qu'il va cartonner au niveau des clients aujourd'hui. Ouais ouais, comme ça serait bien qu'on cartonne au JO aussi, tu vois. Bah ouais. Parce que franchement, au troisième jour, on a une médaille de bronze. C'est pas arrivé depuis je sais pas combien de temps. On avait prévu d'avoir 31 médailles là pour les JO, donc c'est mal parti. Mais moi je prévois ça aussi parce que bon. Bah c'est, je sais pas, c'est un challenge. La délégation française. J'imagine, ouais. Ouais. J'imagine. Mais en tout cas, ça va, je garde espoir parce que tu sais, en fait, dans les meilleurs sports, tu dis d'ailleurs, tiens, donne-moi, fais-moi un top 3 des sports dans lesquels on performe le plus au JO. Vas-y. Et sur quoi? Bah sur. Ah là, sur, tu me demandes là comme ça? Ouais, comme ça, vas-y. Bah au judo, logiquement. Peut-être pas cette année, non, je sais pas. Ouais, non, judo, 6ème. Tir à l'arc. Non. Non plus, ping-pong.

on en a rien à foutre. Pas de bluff, pas d'effet. On est comme on est. Crois pas que j'en fais trop. On est les mêmes en vrai. Je regarde trop la télé. On a d'autres défauts. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées. Font que m'analyser, moi je tiens toujours ma parole. Oh non, non, non, non, non. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées. À trop m'analyser, moi je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laisse-les parler. Vas-y, laisse-les faire. Moi je vais pas m'en aller. Je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées. J'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans deux sales affaires. Nous on marche à la parole. Qui m'ont pris pour un autre. Je peux rien faire, c'est pas ma faute. Ça parle, ça rigole. On tient nos promesses, nos paroles. Et qu'est-ce que ça peut te foutre? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Où on va, d'où on vient? Où on va, d'où on vient? Rien à faire, je trace ma route. Je marche à la parole. Vas-y, laisse-les parler. Vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller. Je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées. J'en ai rien à faire. J'ai des potons mal barrés dans deux sales affaires. Nous, on marche à la parole. J'ai que ça les dérange. J'ai que ça les dérange. Nous on marche à la parole. J'ai que ça les dérange. J'ai que ça les dérange. Ceux qui pensent sur nos dos. Nous on marche à la parole. Can't hide, gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. You can't hide, gonna find you and make you want me. Now that I escape, sleep, walk awake. Yeah. Those who come relate know the world ain't cake. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400-pound mate, if I could rule the world, everyone would have a gun in the ghetto, of course. We get the up and on their horse. Kick around, drinking moonshine. I pour a sip on the concrete for the deceased, but no, don't weep. Why Clef's in a state of sleep, thinking about the robbery that I did last week. Money in the bag, banker look like a drag. I wanna play with pelicans from here to Baghdad. Gun blast, think fast, I think I'm hit. My girl pinched my hips to see if I still exist. I think not, I'll send a letter to my friends. A born again hooligan, only to be king again. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. I play my enemies like a game of chess where I rest. No stress if you don't smoke cess. Less, I must confess, my destiny's manifest. In some Gore-Tex and sweats, I make tracks like I'm homeless. Rap orgies with Borgie and Best. Capture your bounty like Elliot Ness. Yes, bless you if you represent the fool. But I hex you with some witch's brew if you do do. Voodoo, I could do what you do. Easy, believe me, frontin' niggas give me heebie-jeebies. So while you imitating Al Capone, I be Nina Simone and defecating on your microphone. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slowly. You can't run away from these stars I got. Oh baby, hey baby, cause I got a lot. Oh yeah. And anywhere you go, my whole crew gonna know. Oh baby, hey baby, you can't hide from the bag. Oh no. Ready or not, refugees take you over. The Buffalo Soldier, dreadlock roster. On the 12th hour, fly by in my bomber. Crews run for cover, now they under pushing up flowers. Super fly, true lies, do or die. Toss me high, only puff fly with my crew from like high. I, refugee from Guantanamo Bay. That's around the border like I'm Cassius Clay. Ready or not, here I come. You can't hide. Yo, nobody. Gonna find you. Take it slow. c'est Skyrock, premier sur les classiques, premier sur les Fugees avec Ready or Not. C'est ce qu'on écoutait à l'instant à 9h20. Passez une bonne matinée, une bonne journée. C'est Maxime avec vous jusqu'à midi. Et Panda qui débarque tout de suite, c'est Designer. On file au States, écoutez du gros son maintenant. Un petit retour en France juste après avec Nekfeu et Escrew, j'aurais pas dû. Et nouveauté Skyrock, DJ Snake, Justin Bieber. Vous êtes nombreux et nombreuses à le demander. Let Me Love You à suivre sur Skyrock. Envoie 1500 par SMS au 72020 et inscris-toi dès maintenant pour gagner 1500€ dans le Morning Daddy Fool. Mais oui, The Morning Show. Dès la rentrée sur Skyrock, 65 centimes plus coût d'un SMS. Showroomprivé.com présente une jolie robe à fleurs sur son vélo moteur, un chapeau rigolo quand elle est au boulot, un mini short très chouette direction sa tablette, une robe très mignonne sur son petit téléphone avec l'appli Showroom Privé. Elle peut plus rien rater. Jusqu'à moins 70% sur les grandes marques, c'est tout le temps avec l'appli showroomprivé.com. Il est urgent de se faire plaisir. Géant, ce sont les jours imbattables chez Géant. Jusqu'à demain, profitez de 50% de remise en bon d'achat sur le PC portable Hewlett Packard 15,6 pouces à 359€, soit un bon d'achat de 179,50€. Bon d'achat valable du 11 au 21 août inclus, dans la limite des stocks. Les prix bas, c'est Géant. Qu'est-ce qui lui arrive depuis la fin de l'euro? Bah, il a arrêté de parler. Mais comment ça? Il parle pas, quoi. Ni bonjour, ni au revoir, rien. Ah ouais, quand même. Mais pourquoi? Alors, soi-disant, il parle pas pour rien dire. Ah? Ouais, c'est gênant. On va enfin pouvoir reparler football. France Football Guide Saison, 148 pages avec tous les joueurs de Ligue 1, Ligue 2, National, plus les calendriers français et étrangers. France Football Guide Saison, en vente actuellement. Chérie, que tu continues de l'accompagner jusqu'à la grille de l'école, pourquoi pas? Que tu lui donnes encore des surnoms d'animaux en public, à la limite. Mais regarde les choses en face, il a les pieds qui dépassent du lit, ton canard des îles. Ça tombe bien, en ce moment chez Ikea, le cadre de lit Malm 90 cm par 200 est à 99€ au lieu de 129. Sur présentation de la carte gratuite Ikea Family, détails sur Ikea.fr. Ikea. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, il y a comme un hic, un hyper hic même. Hola, hola. Qu'est-ce qui se passe encore chez Lidl? Bah c'est la feria de la tortilla, dès demain pour la semaine espagnole. Les tortillas chorizo, épinards, oignons, lard ou poivron sont à 1,99€ les 500 grammes. La tortilla de patata à moins de 2€, ben on n'est pas sorti de l'auberge espagnole. Une tortilla de patata, oui. Ah, on est moins moins mal, patron. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 3,98€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, bougez plus. Il rentre dans la surface, il tire et c'est le but! Avec la Total Sport à 35€ par mois pendant un an, le sport ne s'arrête jamais. Vivez les plus grandes compétitions sur les plus grandes chaînes. Retrouvez l'UEFA Champions League et 100% de la Ligue 1 sur Canal+ et beIN Sport, l'intégralité du Top 14 sur Canal+ et Canal+ Sport et toutes les plus grandes compétitions. Rendez-vous sur lesoffrescanal.fr. Offre soumise à condition pour tout nouvel abonnement simultané aux chaînes Canal+, CanalSat 100% Sport et beIN Sport. Du rap et du R&B. Stop. Rap and R&B non-stop. Skyrock. Broads in Atlanta, she's a Dolly in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the hands. Legacies, family, wait and see, family. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out to for granted. In the bullet, you band it, hope killers understand it. I got broads in Atlanta, twisted or lean in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacy, family, why is it look like a panda? Going out like a Montana, honey killers on the hands. Legacy, family, why is it panda? Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out to for granted. Pull up your banner. Hope your killers understand me. Hey! Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. I get broads in Atlanta. Chasing the meanest. Sipping Fanta.

j'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie, mais je trahissais. C'est lui quoi, me réconfort. La seule qui veut bien de moi, malgré mes fous. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Trahis pas mes peurs. Jamais de la vie, mais je trahissais. C'est lui quoi, me réconfort. La seule qui veut bien de moi, malgré mes fous. Je sais que je vais recommencer. Pourtant c'est fou comme on s'aime. Je sais que je vais recommencer. Toi-même tu sais comment c'est. Quand. Les tables me remettent dans le mal. Le fait que je l'emmène en bas. La femme de fumer la white weed. Elle dit qu'elle veut me parler à huit clous. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant je balle. Mais c'était pas la white weed. J'ai fait du mal à ma petite. Nouveauté, nouveauté Skyrock. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Sur Skyrock, c'est DJ Snake avec Justin Bieber, Let Me Love You, actuellement la meilleure vente de son en France, numéro 1 de Skyrock. Tous les dimanches 10h midi on se fait le classement des 20 titres rap R&B les plus vendus et les plus téléchargés dans toute la France. Soyez là dimanche à partir de 10h pour savoir si DJ Snake et Justin Bieber vont garder la première place. On prépare un classique de Rihanna, Don't Stop The Music, Fifth Harmony, ça arrive aussi, Work From Home, et attention Soprano maintenant, Soprano en concert Skyrock, ça se passe à la rentrée 2017, le 30 septembre à Paris et le 7 octobre au Vélodrome de Marseille. Vos places, prenez-les sur skyrock.fm. Monsieur, avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en haut lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les yeux. Sur terre, le péché est un business fructueux. Je faisais mon chiffre en vendant le désir et le feu. Oui, le malheur des uns fait le bonheur.

for me.